Divers pays ont rapporté du 9 au 14 la nouvelle des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Les agences de presse TASS et Ria Novosti de Russie, le journal Dagon Bao et la télévision satellitaire finnoise de Hong Kong, les réseaux Planète et Radio Internationale de Chine, l'agence de presse japonaise Kyodo, le homepage Internet du Comité national d'études des études justes du Congo démocratique ont rapporté son inspection de l'Université de la Défense nationale. Les médias chinois comme le journal Liaoning, le journal Dagon Bao et la télévision satellitaire finnoise de Hong Kong de Chine, le pays des États-Unis, le journal sénégalais Le Populaire, les radios nationales, internationales et en sept langues nationales de Guinée, les homepages Internet du Comité d'études des études justes du Congo démocratique et du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée ont fait part de l'inspection par le maréchal coréen de l'usine de préparation du kimchi et du gyo nouvellement construite. Le homepage Internet de l'Association d'amitié Baek-tusan Tchèque-Corée a rapporté la nouvelle de sa visite à la colonie de vacances de Mangyongdae réaménagée. Le homepage Internet du Comité national d'études des études justes du Congo démocratique a reproduit que le maréchal s'est fait photographier en souvenir avec les délégués aux cérémonies consacrées au 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée et a assisté à la représentation artistique donnée par les enfants « Nous n'avons rien à envier dans le monde ». Le homepage Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections a traité les mêmes nouvelles avec son inspection du chantier de construction de la savonnerie de Leonhassan en construction. Ils ont présenté les photos du maréchal coréen. Par ailleurs, le journal indien World Mirror du 1er au 15 a donné la nouvelle de son inspection du chantier de construction d'une nouvelle fabrique de l'oxygène sanitaire.